7. La retraite continue. Je prends femme. Découragement. Je perds de vue mes camarades. Scène dramatique. Rencontre de Picard. Le 18 novembre, qui était le lendemain de la bataille de Krasnoué, nous partîmes de grand matin de notre bivac. Dans cette journée, notre marche fut encore bien fatigante et triste. Il avait dégelé, nous avions les pieds mouillés, et jusqu'au soir, il fit un brouillard à ne pas s'y voir. Nos soldats marchaient encore en ordre, mais il était facile à voir que les combats des jours précédents les avaient démoralisés, et surtout l'abandon forcé de leurs camarades, qui leur tendaient les bras, car ils pensaient aussi que le même sort les attendait. Ce jour-là, j'étais très fatigué. Un soldat de la compagnie, nommé l'abbé, qui m'était très attaché et qui la veille avait perdu son sac, voyant que je marchais avec beaucoup de peine, me demanda le mien à porter. Comme je le connaissais pour un brave garçon, je le lui confiai, et certainement c'était lui confier ma vie, car il y avait dedans plus d'une livre de riz et du gruau que le hasard m'avait procuré à Smolensk, et que je conservais pour les moments les plus critiques, que je prévoyais arriver bientôt, lorsqu'il n'y aurait plus de chevaux à manger. Ce jour-là, l'empereur marchait à pied, un bâton à la main. Le soir, la gelée ayant repris, il fit un verglas à ne pas se tenir. Les hommes tombaient à chaque instant. Plusieurs hommes furent grièvement blessés. Je marchais derrière la compagnie, ayant toujours, autant que possible, les yeux sur mon porteur de sac. Et même je regrettais déjà de le lui avoir confié. Aussi, je me proposais bien de le lui reprendre le soir même en arrivant au bivac. Enfin, la nuit arriva, mais tellement obscure qu'il était impossible de se voir. À chaque instant, j'appelais « L'abbé, l'abbé !» Il me répondait « Présent, mon sergent !» Mais une autre fois que je l'appelais encore, un soldat me répondit qu'il y avait un instant il était tombé, mais que probablement il suivait derrière le régiment. Je ne m'en inquiétais pas beaucoup, car nous devions dans peu arrêter et prendre position. En effet, l'on fit halte sur la route, où l'on nous annonça que nous allions passer la nuit, ainsi que dans les environs. Dans ce moment, presque toute l'armée se trouvait réunie. Il manquait seulement le corps d'armée du maréchal Ney, qui se trouvait en arrière, et que l'on croyait perdu. Dans cette triste nuit, chacun s'arrangea comme il put. Nous nous trouvions plusieurs sous-officiers réunis, et nous nous étions emparés d'une grange, car nous étions sans le savoir près d'un village. Beaucoup d'hommes du régiment y étaient entrés avec nous, mais ceux qui arrivèrent un instant après, voyant qu'il n'y avait pas pour eux de quoi s'abriter, firent ce que l'on faisait en pareille circonstance. Ils montèrent sur le toit sans que nous pussions nous y opposer, et en un instant nous fûmes aussi bien qu'en plein champ. Dans le moment, l'on vint nous dire que, plus loin sur la route, il y avait une église, c'était un temple grec, que l'on avait désigné pour notre régiment, mais qu'elle se trouvait occupée par des soldats de différents régiments, marchant à volonté, et qu'il ne voulait pas qu'on y entrât. Lorsque nous fûmes bien informés où ce temple était situé, nous nous réunîmes à une douzaine de sous-officiers et caporaux, et nous partîmes pour y aller. Nous eûmes bientôt trouvé l'endroit, puisque c'était sur la route. Lorsque nous nous présentâmes pour y entrer, nous trouvâmes de l'opposition de la part de ceux qui s'en étaient emparés. C'était une réunion d'Allemands, d'Italiens, et aussi quelques Français, qui commencèrent par vouloir nous intimider, en mettant la baïonnette au bout du fusil, et à nous signifier de ne pas entrer. Nous leur répondîmes sur le même ton, en faisant de même, et nous forçâmes l'entrée. Alors ils se retirèrent un peu, et un Italien leur cria « Faites comme moi, chargez vos armes !»« Les nôtres le sont !» répondit un sergent-major de chez nous, et un combat sanglant allait s'engager entre nous lorsqu'il nous arriva du renfort. C'étaient des hommes de notre régiment. Alors, voyant qu'il n'y avait rien à gagner, et qu'à notre tour nous n'étions pas disposés à les souffrir près de nous, ils prirent le parti de sortir et de s'établir non loin de là. Malheureusement pour eux, pendant la nuit, le froid augmenta considérablement, accompagné d'un grand vent et de beaucoup de neige. Aussi, le lendemain matin, lorsque nous partîmes, nous trouvâmes non loin de l'endroit où nous les avions couchés, et sur le bord de la route, plusieurs de ces malheureux que nous avions fait sortir du temple, et qui, trop faibles pour aller plus loin, avaient expiré devant le portail. D'autres avaient péri plus loin, dans la neige, en cherchant à gagner un endroit pour s'abriter. Nous passâmes près de ces cadavres sans rien nous communiquer. Que de tristes réflexions devions-nous faire sur ce tableau, dont nous étions en partie la cause. mais nous en étions venus au point que les choses les plus tragiques nous devenaient indifférentes, car nous disions de sang-froid et sans émotion que bientôt nous mangerions les cadavres des hommes morts, car dans peu de jours il n'y aurait plus de chevaux pour se nourrir. Une heure après, nous être mis en marche, nous arrivâmes à Droubovna, petite ville habitée en partie par des Juifs, et où toutes les maisons sont bâties en bois, et où l'empereur avait couché avec les grenadiers et chasseurs de la garde, et une partie de l'artillerie. Nous les trouvâmes sous les armes. Ils nous apprirent que la nuit, une fausse alarme les avait forcés d'être constamment dans la position où nous les trouvions, que c'était ce qui pouvait leur arriver de plus malheureux, car ils avaient espéré passer la nuit dans des maisons bien chauffées et habitées, mais le sort en avait décidé autrement. Nous traversâmes cette ville de bois pour aller à Orcha. Après une heure de marche, nous passâmes à Ravin, où les bagages eurent encore beaucoup de peine à traverser, et où beaucoup de chevaux périrent. Enfin, dans l'après-midi, nous arrivâmes dans cette ville, que nous trouvâmes fortifiée, et avec une garnison composée d'hommes de différents régiments. C'étaient des hommes qui étaient restés en arrière, et qui étaient venus avec des détachements pour rejoindre la grande armée, et qu'on avait retenue. Il s'y trouvait aussi des gendarmes et quelques Polonais. Ces hommes, en nous voyant aussi misérables, furent saisis, surtout lorsqu'ils virent la grande quantité de traîneurs marchant en désordre. L'on fit rester une partie de la garde dans la ville, afin d'y maintenir l'ordre. Et comme il s'y trouvait un magasin de farine et un peu d'eau-de-vie, l'on en fit une distribution. Nous trouvâmes dans cette ville un équipage de ponts et beaucoup d'artillerie avec les attelages. Et par une fatalité extraordinaire, nous brûlâmes les bateaux qui composaient les ponts, afin de faire servir les chevaux à traîner les canons. Mais nous ne savions pas encore ce qui nous attendait à la Bérézina, où les ponts pouvaient tant nous servir. Nous n'étions plus que 7 à 8 000 hommes de la garde, reste de 35 000. Encore parmi ceux qui restaient, quoique marchant toujours en ordre, une portion se traînait péniblement. Comme je l'ai dit, l'empereur et une partie de la garde étaient dans la ville, et le reste bivaquait dans les environs. Pendant la nuit, le maréchal Ney, que l'on croyait perdu, arriva avec le reste de son corps d'armée. Il lui restait encore environ 2 à 3 000 combattants, reste de 70 000. Nous apprîmes au même instant que la joie de l'empereur fut à son comble lorsqu'il sut que le maréchal était sauvé. Le vin nous fîmes séjour, pendant lequel je cherchais mon porteur de sac, mais inutilement. Le lendemain, 21, nous partîmes sans avoir pu le joindre. Cependant, l'on m'avait assuré de l'avoir vu, mais je commençais à désespérer. Lorsque nous fûmes à quelque distance d'Orcha, nous entendîmes des coups de fusil. Nous arrêtâmes un instant et nous vîmes arriver quelques traînards que des Cosaques avaient surpris. Ces hommes vinrent se mettre dans nos rangs et nous continuâmes à marcher. Parmi ces traînards, je cherchais encore mon homme et mon sac, mais ce fut comme la première fois, je n'aperçus rien. Nous fûmes couchés dans un village où il ne restait plus qu'une grange qui servait de maison de poste et 2 ou 3 maisons. Ce village s'appelle Kokanov. Le 22, après avoir passé une nuit bien triste, nous nous remîmes en route de grand matin. Nous marchions avec beaucoup de peine à travers un chemin que le dégel avait rendu fangeux. Avant midi, nous avions atteint Toloskzin. C'était l'endroit où l'empereur avait couché. Lorsque nous fûmes de l'autre côté, l'on nous fit faire une halte. Tous les débris de l'armée se trouvaient réunis. Nous nous mîmes sur la droite de la route, en colonne serrée par division. Un instant après, M. Serraris, officier de notre compagnie, vint me dire qu'il venait de voir l'abbé, celui qui avait mon sac, occupé près d'un feu à frire de la galette, et qu'il lui avait ordonné de joindre la compagnie. Il lui avait répondu qu'il allait venir de suite, mais une nuée de Cosaques étant arrivée, avait tombé sur les traînards, et comme il était du nombre, il avait probablement été pris. Adieu mon sac et tout ce qu'il contenait. Moi qui avais tant à cœur de rapporter en France mon petit trophée, comme j'aurais été fier de dire « j'ai rapporté cela de Moscou ». Non content de ce que M. Serraris venait de me dire, je voulus voir par moi-même, et je retournai en arrière jusqu'au bout du village, que je trouvai rempli de soldats de tous les régiments, marchant isolés, n'obéissant plus à personne. Lorsque je fus à l'extrémité du village, j'en rencontrai encore beaucoup, mais en position de recevoir les Cosaques, si toutefois ils revenaient encore. On les apercevait de loin, qui s'éloignaient, emmenant avec eux les prisonniers qu'ils venaient de faire, ainsi que mon pauvre sac, car mes recherches furent inutiles. J'étais dans le milieu du village et je revenais en regardant de droite et de gauche, lorsque je vis une femme couverte d'une capote de soldat, qui me regardait attentivement. L'ayant examinée à mon tour, il me sembla l'avoir quelquefois vue. Comme j'étais reconnaissable à ma peau d'ours, elle me parla la première, en me disant qu'elle m'avait vue à Smolensk. Je la reconnus de suite pour la femme de la cave. Elle me conta que les brigands, avec qui elle avait été obligée de rester pendant 10 jours, avaient été pris à Krasnoé, avant notre arrivée. Qu'étant dans une maison où ils venaient de lui donner des coups parce qu'elle n'avait pas voulu blanchir leur chemise, elle était sortie afin de chercher de l'eau pour laver. Elle avait aperçu les Russes qui venaient de son côté, et sans les prévenir, elle s'était sauvée. Que pour eux, ils s'étaient battus en désespéré, pensant sauver l'argent qu'ils avaient, car, me dit-elle, ils en avaient beaucoup, surtout de l'or et des bijoux, mais qu'ils avaient fini par être en partie tués ou blessés et dévalisés. Que tant qu'à elle, elle n'avait été sauvée que lorsque la garde impériale était arrivée. Elle me dit aussi qu'à Smolensk, et pendant une partie de la nuit, après que je les eus quittés, ils firent une sortie et revinrent avec des porte-manteaux, mais que dans la crainte d'être vendus par moi, ils avaient changé de retraite. Il aurait été impossible de les y trouver. C'était le badois qui la leur avait enseigné. Ils y restèrent encore 2 jours, mais ne sachant que faire de tout ce qu'ils avaient volé, le tambour et le badois avaient trouvé un juif, à qui ils avaient vendu les choses qu'il leur était impossible d'emporter. Et ensuite, ils étaient partis 1 jour avant nous. Et depuis Smolensk jusqu'à Krasnoé, ils avaient manqué être pris 3 fois. Mais la dernière fois qu'ils avaient rencontré des Cosaques, ils en avaient surpris 5, et après les avoir fait déshabiller, les avaient fusillés. Et cela pour avoir leur habillement. Car leur projet était de s'habiller en Cosaques pour mieux piller leurs camarades qui restaient en arrière, et aussi pour ne pas être reconnus par les Russes. Comme ils avaient déjà 6 chevaux, ils devaient commencer leur rôle le jour où ils avaient été pris. Elle ajouta que sous leur habillement de Cosaque, ils avaient leur uniforme de Français, de manière à être l'un et l'autre, suivant les circonstances. Enfin, elle m'en eût dit davantage si j'avais eu le temps de l'écouter. Je lui demandai avec qui elle était. Elle me répondit qu'elle n'était avec personne, que le lendemain que son mari avait été tué, elle avait été avec ceux avec qui je l'avais vue, et qu'elle marchait seule, mais que si je voulais la prendre sous ma protection, elle aurait soin de moi, et que je lui rendrais un grand service. Je consentis de suite à ce qu'elle me demandait, sans penser à la figure que j'allais faire lorsque j'arriverais au régiment avec ma femme. Tout en marchant, elle me demanda où était mon sac. Je lui contai mon histoire et comment je l'avais perdu. Elle me répondit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter, qu'elle en avait un bien garni. Effectivement, elle avait un sac sur son dos et un panier au bras. Elle ajouta que si je voulais entrer dans une maison ou dans une écurie, elle me ferait changer de linge. Je consentis de suite à cette proposition. Mais au moment où nous cherchions un endroit convenable, l'on cria « aux armes !» et j'entendis battre leur appel. Je dis à ma femme de me suivre. Arrivé à peu de distance du régiment que je trouvais sous les armes, je lui recommandai de m'attendre sur la route. Arrivé à la compagnie, le sergent-major me demanda si j'avais eu des nouvelles de l'abbé et de mon sac. Je lui dis que non, et qu'il n'y fallait plus penser, mais qu'à la place j'avais trouvé une femme. « Une femme, répondit-il, et pourquoi faire? Ce n'est pas pour blanchir ton linge, tu n'en as plus. Elle m'en donnera. Ah, me dit-il, c'est différent, et à manger. Elle fera comme moi. » Dans ce moment, l'on nous fit former le carré. Les grenadiers et les chasseurs, ainsi que les débris des régiments, de jeunes gardes, en firent autant. Au même instant, l'empereur passa avec le roi Murat et le prince Eugène. L'empereur alla se placer au milieu des grenadiers et chasseurs, et là, il leur fit une allocution en rapport aux circonstances, en leur annonçant que les Russes nous attendaient au passage de la Bérézina, et qu'ils avaient juré que pas un de nous ne la repasserait. Alors, tirant son épée et élevant la voix, il s'écria « Jurons aussi, à notre tour, plutôt mourir les armes à la main, en combattant, que ne pas revoir la France. » Et aussitôt le serment de mourir fut juré. Au même instant, l'on vit les bonnets à poils et les chapeaux, au bout des fusils et des sabres, et le cri de « Vive l'empereur !» se fit entendre. De notre côté, c'était le maréchal Mortier qui nous faisait un discours semblable, et auquel l'on répondit avec le même enthousiasme. Il en était de même dans les autres régiments. Ce moment, vu les circonstances malheureuses où nous nous trouvions, fut sublime, et pour un instant, nous fit oublier nos misères. Si les Russes fussent trouvés à notre portée, eussent-ils été 6 fois plus nombreux que nous, l'affaire n'eût pas été douteuse. Nous les aurions anéantis. Nous restâmes dans cette position jusqu'au moment où la droite de la colonne commença son mouvement. Je n'avais pas oublié ma femme, et en attendant que notre régiment se mît en marche, je fus sur la route pour la chercher, mais je ne la retrouvais plus. Elle avait été entraînée par le torrent de plusieurs milliers d'hommes des corps d'armée du prince Eugène, des maréchaux Ney et Davoust, et d'autres corps qu'il était impossible de réunir et de faire marcher en ordre, car les trois quarts étaient ou malades ou blessés, et généralement démoralisés et indifférents à tout ce qui se passait. Ceux de ces corps qui marchaient encore en ordre s'étaient formés en colonne sur la gauche de la route, où quelques-uns des traîneurs allaient encore en passant se réunir autour de leurs aigles. C'est dans ce moment que je vis le maréchal Lefebvre, auprès duquel je me trouvais sans le savoir. Il était seul et à pied, un bâton à la main, et dans le milieu du chemin, s'écriant d'une voix forte, avec son accent allemand, « Allons, mes amis, réunissons-nous. Il vaut mieux des bataillons nombreux que des brigands et des lâches. » Le maréchal s'adressait à ceux qui, sans prétexte, ne marchaient jamais avec leur corps, et qui étaient en arrière ou en avant, suivant les circonstances. Je fis encore quelques recherches après ma femme, à cause du linge qu'elle m'avait promis, et dont j'avais un extrême besoin de changer. Mais peine inutile, je ne la revis plus, et je me trouvais veuf d'elle, comme de mon sac. J'avais, en marchant dans la cohue, dépassé de beaucoup le régiment. Je me reposais près d'un feu de bivac de ceux qui venaient de partir. Jusqu'à Krasnoé, j'avais toujours été d'un caractère assez gai, et au-dessus de toutes les misères qui nous accablaient. Il me semblait que plus il y avait de dangers et de peines, plus il devait y avoir de gloire et d'honneur. J'avais tout supporté avec une patience qui étonnait mes camarades. Mais depuis les affaires sanglantes de Krasnoé, et surtout depuis que je venais d'apprendre que deux de mes amis, deux vélites, indépendamment de Belloc et de Capon, que j'avais vus étendus morts sur la neige, avaient été l'un tué et l'autre mortellement blessé. Pour compliquer mes peines, un traîneau vint à passer, et ne pouvant pour le moment aller plus loin, les hommes qui en étaient chargés s'arrêtèrent près de moi. Je leur demandai quel était le blessé qu'ils conduisaient. Ils me dirent que c'était un officier de leur régiment. C'était le pauvre Legrand, qui me conta comment il avait été blessé. La porte, son camarade de Cassel, près de Lille, officier dans le même régiment que Legrand, était resté malade dans Krasnoé. Mais apprenant que le régiment dont il faisait partie se battait, et n'écoutant que son courage, il alla le rejoindre. Mais à peine était-il dans les rangs qu'un coup de canon lui brisa les jambes. Legrand, qui en voyant arriver la porte, s'était avancé pour lui parler, fut atteint du même coup à la jambe droite. La porte resta mort sur le champ de bataille, et lui fut transporté à la ville. On le mit dans une mauvaise voiture russe, attelée d'un mauvais cheval. Mais le premier jour, la voiture se brisa, et fort heureusement pour lui que près de là se trouvait un traîneau, dont le cheval était tombé et lui servit. Sans cela, il aurait fallu le laisser sur la route. Il était accompagné par 4 hommes de son régiment. Il voyageait de cette manière depuis 6 jours. Je quittai le malheureux Legrand, et en lui pressant la main, je lui souhaitai un heureux voyage. Il me répondit qu'il comptait beaucoup sur la garde de Dieu et sur l'amitié des braves soldats qui l'accompagnaient. Alors, un des soldats prit le cheval par la bride, un autre le frappa, et les 2 autres poussèrent derrière. De cette manière, et avec beaucoup de peine, le traîneau se mit en mouvement. En le voyant partir, je pensais qu'il n'irait pas loin, avec un pareil équipage. Depuis ce moment, je n'étais plus le même. J'étais triste. Des pressentiments sinistres vinrent m'assaillir. Ma tête devint brûlante. Je m'aperçus que j'avais la fièvre. Je ne sais si la fatigue y avait contribué, car depuis que les débris des corps d'armée nous avaient rejoints, nous étions obligés de partir de grand matin. Et nous marchions fort tard, sans faire beaucoup de chemin. Les jours étaient tellement courts qu'il ne faisait clair qu'à 8 heures, et nuit avant 4. C'est pourquoi que tant de malheureux soldats s'égarèrent ou se perdirent, car l'on arrivait toujours la nuit au bivac, où tous les débris des corps se trouvaient confondus. L'on entendait des hommes qui, à chaque instant de la nuit, arrivaient, criaient d'une voix faible, « 4e corps, 1er corps, 3e corps, garde impériale !» et d'autres couchés et sans force, pensant avoir des secours de ceux qui arrivaient, s'efforçaient de répondre « Ici, camarade !» car ce n'était plus son régiment que l'on cherchait, mais le corps d'armée auquel on avait appartenu, et qui avait encore tout au plus la force de 2 régiments, où 15 jours avant, il y en avait 30. Personne ne pouvait plus se reconnaître, ni indiquer le régiment auquel on appartenait. Il y en avait beaucoup qui, après avoir marché une journée entière, étaient obligés d'errer une partie de la nuit pour retrouver le corps auquel ils appartenaient. Rarement ils y parvenaient. Alors, ne connaissant plus l'heure du départ, ils se livraient trop tard au sommeil, et en se réveillant, ils se trouvaient au milieu des Russes. Que de milliers d'hommes furent pris et périrent de cette manière. J'étais toujours près du feu, debout et tremblant, appuyé sur mon fusil. Trois hommes étaient assis autour, ne disant rien, regardant machinalement passer ce qui était sur la route, et ne paraissant pas disposés à partir, parce qu'ils n'en avaient plus la force. Je commençais à m'inquiéter de ne pas voir passer le régiment, lorsque je me sentis tiré par ma peau d'ours. C'était Grangier, qui, m'ayant aperçu, venait me dire de ne pas rester davantage, que le régiment passait. Mais j'avais tellement les yeux abattus qu'en regardant, je ne le voyais pas. « Et notre femme ?» me dit-il. « Qui t'a dit que j'avais une femme ?»« Le sergent-major, mais où est-elle »« Je n'en sais rien, mais je sais qu'elle a sur le dos un sac dans lequel il y a du linge, et dont j'ai grand besoin. Et si quelquefois tu la rencontres, tu m'en avertiras. » Elle est vêtue d'une capote grise de soldat. Un bonnet de peau de mouton lui tient lieu de coiffure. Elle a des guêtres noires aux jambes et un panier aux bras. Grangier, pensant que j'étais malade, et comme il me l'a dit depuis, que j'étais dans le délire, me prit par le bras, me fit descendre sur la route en me disant « Marchons, nous aurons de la peine de rejoindre le régiment. » Cependant, nous y arrivâmes après avoir dépassé des milliers d'hommes de toutes armes qui se traînaient avec beaucoup de peine, et qui nous faisaient prévoir que la journée serait mortelle, pour peu que la marche fût longue. Elle le fut, en effet. Nous traversâmes un endroit dont je n'ai pu savoir le nom, et l'on en disait que l'empereur devait coucher, quoiqu'il l'eût dépassé depuis longtemps. Une quantité d'hommes de toutes armes s'y arrêtèrent, car il était déjà tard, et l'on disait que l'on avait encore 2 lieues à faire pour arriver à l'endroit désigné, où l'on devait bivaquer, qui était une grande forêt. La route en cet endroit est large et bordée de chaque côté de grands bouleaux. Elle laissait aux hommes et aux équipages la facilité de marcher. Mais lorsque le soir arriva, l'on ne voyait dans toute sa longueur que des chevaux morts, et plus nous avancions, plus elle était couverte de voitures et de chevaux expirants, même des attelages entiers succombant aux fatigues, ainsi que des hommes qui, ne pouvant aller plus loin, s'arrêtaient, formaient leur bivac au pied de grands arbres, parce que, disaient-ils, ils avaient près d'eux ce qu'ils ne trouveraient pas ailleurs, du bois pour faire du feu. Les voitures brisées leur en fourniraient, et de la viande avec les chevaux, dont la route était encombrée et qui commençait à embarrasser la marche. Il y avait déjà longtemps que je marchais seul au milieu de la cohue, et que je m'efforçais d'arriver à l'endroit où nous devions passer la nuit, afin de me reposer de cette marche pénible, et qui le devenait encore davantage par le verglas qu'il faisait depuis qu'il recommençait à geler sur une neige fondue qui à chaque instant me faisait tomber. La nuit me surprit au milieu de toutes ces misères. Le vent du nord avait redoublé de furie. J'avais, depuis un moment, perdu de vue mes camarades. Plusieurs soldats, isolés comme moi, étrangers au corps dont je faisais partie, se traînaient péniblement en faisant des efforts surnaturels afin de regagner la colonne, dont ils étaient, comme moi, séparés depuis quelque temps. Ceux à qui j'adressais la parole ne me répondaient pas. Ils n'en avaient pas la force. D'autres tombaient, mourants, pour ne plus se relever. Bientôt je me trouvais seul, n'ayant plus pour compagnon de route que des cadavres qui me servaient de guide. Les grands arbres qui l'abordaient avaient disparu. Il pouvait être 7 heures. La neige qui depuis quelque temps tombait avec force m'empêchait de voir la direction de mon chemin. Le vent, qui la soufflait avec violence, avait déjà remblayé les traces que la colonne laissait après elle. Jusqu'alors j'avais toujours porté ma peau d'ours, le poil en dehors. Mais prévoyant que j'allais passer une mauvaise nuit, je m'arrêtai un instant, et afin d'avoir plus chaud, je la mis le poil en dedans. C'est à elle que je dois le bonheur d'avoir pu, dans cette nuit désastreuse, résister à un froid de plus de 22 degrés, car l'ayant arrangée sur l'épaule droite, qui était le côté de la direction du vent du nord, je pus alors marcher ainsi pendant 1 heure, temps auquel je suis persuadé n'avoir pas fait plus d'un quart de lieue, car souvent enveloppé par des tourbillons de neige, obligé de tourner malgré moi, je me trouvais avoir retourné sur mes pas, et ce n'était que par les corps morts d'hommes, de chevaux, les débris de voitures et autres que j'avais passé un instant avant que je m'apercevais que je n'étais plus dans la même direction. Alors il fallait m'orienter de nouveau. La lune, ou une lueur boréale comme on en voit souvent dans le nord, se montrait par moments. lorsqu'elle n'était pas obscurcie par des nuages noirs qui marchaient d'une vitesse effrayante, elle me mettait à même de distinguer les objets. J'aperçus, mais bien loin encore, une masse noire que je supposais être cette immense forêt que nous devions traverser avant d'arriver à la Bérézina, car nous étions alors en Lituanie. Suivant moi, cette forêt pouvait encore se trouver à une lieue du point où j'étais. Malheureusement, le sommeil, qui dans cette circonstance était presque toujours l'avant-coureur de la mort, commença à me gagner. Mes jambes ne pouvaient plus me soutenir, mes forces étaient épuisées. Déjà j'étais tombé plusieurs fois en dormant, et sans le froid de la neige qui me réveillait, je me serais laissé aller. C'en était fait de moi si j'avais eu le malheur de succomber à l'envie de dormir. L'endroit où je me trouvais était couvert d'hommes et de chevaux morts qui me barraient la route et m'empêchaient de me traîner, car je n'avais plus la force de lever les jambes. Lorsque je tombais, il me semblait que c'était un de ces malheureux étendus sur la neige qui venait de m'arrêter. Car il arrivait souvent que des hommes couchés et mourants, au milieu du chemin, cherchaient à attraper par les jambes ceux qui marchaient près d'eux, afin d'implorer leur secours. Et souvent il est arrivé que ceux qui se baissaient pour secourir leurs camarades tombaient sur eux pour ne plus se relever. Je marchais environ 10 minutes sans direction. J'allais comme un homme ivre, mes genoux fléchissaient sous le poids de mon faible corps. Enfin je voyais ma dernière heure, quand tout à coup, chopant contre le sabre d'un cavalier qui se trouvait à terre, je tombais de tout mon long, de manière que mon menton alla porter sur la crosse de son fusil, et je restais étourdi à ne pouvoir me relever. Je sentais une grande douleur à l'épaule droite contre laquelle mon fusil avait frappé en tombant. Mais un peu revenu à moi, et m'étant mis sur mes genoux, je ramassai mon fusil pour me mettre debout. Mais m'apercevant que le sang me sortait par la bouche, je jetai un cri de désespoir, et je me relevai, tremblant de froid et de terreur. Le cri que j'avais jeté fut entendu d'un malheureux qui gisait à quelques pas de moi, à droite, de l'autre côté de la route. Une voix faible et plaintive frappa mon oreille, et j'entendis très distinctement que l'on implorait mon secours, à moi qui en avais tant besoin. Par ces paroles, « Arrêtez-vous, secourez-nous !» Ensuite l'on cessa de se plaindre. Pendant ce temps, je restais immobile pour écouter, et je cherchais des yeux afin de voir si je n'apercevrais pas l'individu qui se plaignait. Mais n'entendant plus rien, je commençais à croire que je m'étais trompé. Pour m'en assurer, je me mis à crier de toutes mes forces. « Où êtes-vous donc ?» L'écho répéta deux fois. « Où êtes-vous donc ?» Alors je me dis à moi-même, « Quel malheur, si j'avais un compagnon d'infortune, il me semble que je marcherais toute la nuit, en nous encourageant l'un et l'autre. » À peine avais-je fait ces réflexions que la même voix se fit entendre, mais plus triste que la première fois. « Venez à nous, » disait-on. Au même instant, la lune vint apparaître et me fit voir à 10 pas de moi deux hommes, dont un étendu de tout son long et l'autre assis. Aussitôt je me dirigeais de ce côté, et j'arrivais près d'eux avec peine, à cause d'un fossé comblé de neige, qui séparait la route. J'adressai la parole à celui qui était assis. Il se mit à rire comme un insensé, en me disant « Mon ami, sais-tu, ne l'oublie pas !» Et de nouveau il se mit à rire. Je vis que c'était le rire de la mort. Le second, que je croyais sans mouvement, vivait encore, et tournant un peu la tête, me dit ces dernières paroles que je n'oublierai jamais. « Sauvez mon pauvre oncle, secourez-le, moi je meurs !»